Écoutez bien, aujourd'hui on va parler avec le cœur. On est tous majeurs, il n'y a même pas un an, mais que 7 frères dans la même aventure. On pensait que ça allait durer toute la vie. Mais la vie parfois c'est pas haut. L'argent, la jalousie, nous on connaissait pas ça. On voulait juste faire de la musique, parce qu'on trouvait ça bien, on galérait. Mais après, il y a le buzz qui est venu et là tout a changé. Ah, les humains, les filles, tout l'entourage quoi. Et tout ce qui était sûr avant est devenu incertain aujourd'hui. Certains ont profité de notre ignorance, d'autres nous ont divisé. Et vous, on nous avait soutenu la famille. Bref, maintenant la vie a continué. Là on n'a pas le temps de faire semblant. On tient toujours compte. Ensemble, on va marquer l'histoire. 4 queues, le 28 septembre 2018, à cœur ouvert. Watch it be.